Arca Firmata. Inspecteur de Carabas, vous m'avez été recommandé pour une mission qui requiert du doigté et de la discrétion. J'ajoute que ce problème d'épidémie nous mobilise de nombreux hommes, ce qui vous rend d'autant plus recommandable. Monsieur préfet, c'est un honneur. C'est un honneur de pouvoir servir sous vos ordres, monsieur. Oui, je sais. Dites-moi, connaissez-vous monsieur Pierre Bardou ? Pierre Bardou ? Non, ce nom ne me dit rien, monsieur. Évidemment. Mais le papier à cigarette Job ? Ah, je vois votre visage que vous comprenez à présent. Monsieur Bardou est extrêmement riche. C'est un homme à la réputation irréprochable et aux amitiés très haut placées. J'espère que vous me comprenez, de Carabas. Oui, monsieur. Parfait, parfait. Bon, je vais faire vite. Vous lirez ces rapports de constatation de vos collègues, j'ai un rendez-vous. Monsieur Bardou est également mécène et collectionneur. Il aime les anciennes enluminures et les illustrations modernes. Or, la semaine dernière, une effraction s'est produite dans son hôtel particulier rue Diderot. On lui aurait volé des parchemins de grande valeur datant du haut Moyen-Âge. Voilà, vous enquêtez, vous êtes efficace, et si vous ne trouvez rien, tant pis, son assurance paiera. Mais j'insiste, pas de vagues. Tout doit rester calme comme un lac gelé. Suis-je clair ? Tenez, prenez le dossier. Merci, monsieur. Cependant, si je puis me permettre une question... Allez-y. Voilà, je comprends que nos forces soient dispersées suite à l'apparition de l'épidémie. Cependant, comment dire... Carabas, allons, je n'ai pas tout mon temps à vous accorder. Comment se fait-il qu'il ait fallu une semaine pour mettre un inspecteur sur cette enquête, alors que, justement, Monsieur Bardou est une personnalité extrêmement importante ? Carabas... Dites-vous que c'est parce qu'il y a pénurie d'agents que je vous ai demandé de prendre cette affaire. Vous n'êtes pas le plus grand limier de cette préfecture, loin de là. Vos excentricités à concevoir toutes sortes de stupides gadgets ne font que vous éloigner du terrain et de la véritable existence d'un policier. Prenez cela comme votre dernière chance de revenir dans la course et... Je vais oublier que vous vous permettez, petit inspecteur, de remettre en cause ma gestion des effectifs de la police de Paris. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Je serai digne de ma mission. Bonne enquête, alors. Bon, je vais prendre le dossier et me mettre au travail. Alors... Mademoiselle de Carabas, quelle heureuse rencontre. J'étais justement en conversation avec votre inspecteur de frères. Que nous vaut donc la lumière de votre présence ? Je passais justement le voir par courtoisie familiale et on m'a dit qu'il était avec vous. Comment vous portez-vous, monsieur le préfet Lozé ? Et comment va madame ? Appelez-moi Henri, chère Hélène. Oublions les convenances entre nous. Je continue de suivre avec plaisir vos articles dans l'intransigeant, savez-vous ? Ce genre de chiffon n'est pourtant pas ma tasse de thé, mais votre travail rehausse son intérêt. Avez-vous prévu de raconter de nouvelles affaires ? Eh bien oui, justement, monsieur Henri. Henri tout court, très cher. Ah, Henri, donc, je flânais dans vos services à la recherche d'histoires croustillantes. Sauriez-vous me conseiller ? Eh bien, oui. Allez voir les services de la voirie, ils auront sûrement des affaires de vilaines filles à vous raconter. Mais... Vous comprendrez que toutes les affaires ne sont pas forcément de celles que l'on peut se permettre de publier. N'est-ce pas, inspecteur ? Oui, bien sûr, monsieur. Parfait, alors. Mademoiselle Hélène, je me ferai un plaisir de vous inviter un de ces soirs pour un dîner en tête-à-tête. Nous pourrons y discuter plus à loisir, car voyez-vous, le ministre m'attend. Mes hommages, mademoiselle. Inspecteur, je compte sur vous. Bonjour, Pernous. Tu verrais ta tête, mon pauvre. Oh. Un rendez-vous dans le bureau du préfet en personne. Comptes-tu me garder en dehors de cela ? Ah, toujours à fouiner. Viens, petite sœur, prenons un fiacre. Je te raconterai en route. Tu connais monsieur Pierre Bardou des cigarettes, là ?